Bernard, dans la deuxième partie, le sujet, c'est l'ouverture des circuits universels. Avec ce que l'on a entendu à propos des plans invisibles, on est en droit de se poser la question, comment les individus peuvent s'ouvrir ou qu'est-ce qui leur est donné à certaines époques pour s'ouvrir de façon active, de façon à pouvoir prendre vraiment en main leur action et, je dirais évidemment, tenir compte de l'aspect invisible. Quels sont les outils qui sont fournis aux gens aujourd'hui ou qu'est-ce qui a été permis à notre époque, qu'est-ce qui a été permis de vivre ou de voir à notre époque pour que les gens puissent avoir accès à une application, disons, plus concrète de certains principes d'énergie ou de certains principes qui se sont finalement au cours des siècles dévoilés à l'homme. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Est-ce que les films, exemple, sont des ouvertures de circuits universels? Les films qu'on voit là sur, je pense à Always ou à Pour toujours, les films qui touchent, est-ce que ça fait partie de l'ouverture des circuits universels? Bon. Les livres ou ces choses-là. Dans les temps que nous connaissons, effectivement, l'homme qui regarde un peu, ou l'homme qui veut regarder, a accès à beaucoup d'impressions nouvelles. Il y a beaucoup d'impressions nouvelles. Le cinéma nous apporte beaucoup d'impressions nouvelles. Vous mentionnez le film Always, par exemple, ainsi de suite. Il y a des livres nouveaux, il y a des livres anciens. Si on me demandait qu'est-ce que c'est qui fait que l'homme a de la difficulté à s'ouvrir au circuit universel, je dirais que ce sont ses attitudes intellectuelles. Si l'homme apprend à se libérer de ses attitudes intellectuelles, à ce moment-là, des choses qui font partie de son expérience de tous les jours deviendraient reconnaissables. Valable. Une attitude intellectuelle, c'est très malsain parce que ça nous coupe de l'expérience des autres. Ça nous empêche de réaliser qu'il y a déjà des écrivains, des artistes, des scientifiques ou des gens qui vivent quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on vit. Quelque chose qui n'est pas nécessairement universellement accepté. Il est évident que si on commence à parler de l'expérience de l'homme au-delà de la matière, si on commence à parler du psychisme humain, du métapsychique ou de ce qui est au-delà de la forme, il est évident que les gens qui s'intéressent à ça sont marginaux. Autrement dit, sont en petit nombre. Mm-hmm. On ne peut pas appliquer la loi de la majorité à une science qui est déficitaire sur le plan de majorité, sinon toute notre civilisation serait psychique. C'est ça. Donc, les gens qui vont dire « Ah, ben ça n'a pas été prouvé, blablabla », ce sont des gens qui veulent utiliser un paramètre basé sur la précédence de la majorité pour expliquer quelque chose qui convient mentalement ou psychiquement à un très petit nombre. Donc, pour commencer à s'ouvrir vers ces circuits universels-là, ces plans-là, il faut que l'homme apprenne à respecter son individualité, tout en respectant l'individualité des autres. Mais respecter la sienne. Moi, ma mère va aller à l'église, elle va prier tous les dimanches à l'église, je respecte son individualité. Je ne lui demanderais pas de respecter la mienne, là, mais je respecte la sienne. Si elle connaissait la mienne, elle serait probablement bien énervée. Bon, non, j'en parle pas de la mienne. Mais moi, je vis la mienne. Donc, l'homme doit apprendre ça. Il doit respecter l'individualité de l'autre, mais ne pas se refuser la sienne. Ça, c'est la première étape. Parce que si on s'empêche de vivre notre individualité, à quelque niveau que ce soit, on s'empêche automatiquement d'ouvrir nos propres sens. Et c'est à travers l'ouverture de nos sens psychiques qu'on a accès à ceci. Si on s'assujettit par contre trop à la pensée ou à l'opinion de la majorité, on retarde nos chances d'individualiser notre propre conscience. L'une des raisons pourquoi le psychisme ou l'évolution vers un plus grand psychisme va se faire dans l'Ouest, dans l'Occident, c'est parce que dans l'Occident, on est beaucoup plus près de l'individualité. On respecte plus l'individualité. Alors, c'est très important pour l'homme de respecter les opinions de la majorité, mais de ne pas oublier de respecter sa propre individualité. Ça, c'est une clé d'évolution. C'est un départ. Puis après ça, quand l'homme a commencé à faire ceci, automatiquement, la vie, les plans s'ouvrent vers lui selon son évolution, selon sa capacité de subir une transformation, selon sa capacité de vivre une certaine prise de conscience. Ça, c'est totalement au-delà de l'homme. Mais lui, en tant qu'individu, en tant qu'ego, qui est responsable, si vous voulez, de son territoire psychologique, il se donne accès à son psyché. À partir du moment où l'homme commence à revenir chez lui, à prendre conscience de son individualité. Il y a combien de personnes, je vous pose cette question, je la pose à tout le monde, là. Il y a combien de personnes, d'hommes et de femmes, et souvent d'enfants, qui vont dire, ah, moi je me sens différent des autres. On dirait que j'ai jamais été comme tout le monde. Tout le monde s'en allait par là, puis moi je m'en allais par là. J'étais un brebis noir dans la famille. Le monde ne me comprenait pas. Bon, autrement dit, il y a des hommes qui sont plus près de leur individualité que d'autres. Mais le problème, c'est que quand ils vivent leur individualité, qui est une forme de passage entre le plan psychologique et le plan psychique, ils ont la crainte, ils vivent l'angoisse de ne pas être reconnus dans leur individualité, de ne pas être écoutés ou entendus dans cet effet de passage entre le psychologique et le psychique. Mm. Et à ce moment-là, ils se renferment sur eux-mêmes. Ils souffrent psychologiquement. Mm. Souvent, ils vivent anxieusement leur psychisme. Et ils n'ont pas la force de soutenir cette lutte, ce combat de dépolarisation de leur être. Parce que le plan psychologique et le plan psychique, ce sont deux plans qui représentent chez l'homme une grande polarité. Le psychologique, ça fait partie de l'entendement de la masse, donc c'est une convention humaine, ça s'accepte bien. Par contre, le psychisme, c'est très personnel. À un certain niveau, et ça deviendra universel à un autre niveau. Mais avant que le psychisme devienne universel, c'est-à-dire avant que le psychisme devienne totalement dépolarisé, autrement dit, avant que l'homme en arrive à posséder une conscience totalement intégrée, c'est-à-dire une conscience qui est capable de traiter avec la matière, traiter avec l'occulte de la vie, et traiter avec l'intelligence de ces deux aspects-là, ça va être long. Ça va prendre un certain temps. Parce que ça nécessite une transformation de l'homme. Par contre, si l'homme qui passe du psychologique au psychisme ne réalise pas l'importance de conserver un peu sa petite avance qu'il a, la personne qui se sent différente des autres, la personne qui a vu tout le monde aller faire du ski, puis lui, il n'est pas intéressé. Tout le monde, quand ils vont se baigner, il faut qu'il saute de 50 pieds, puis lui, il saute de 3 pieds. La personne qui a toujours été un petit peu différent. Il n'a jamais voulu s'accorder le droit d'être différent. Et qui automatiquement s'est amené à vivre une pathologie psychologique et à vivre une incertitude psychique. Ces personnes-là doivent un jour réaliser que s'ils sont un petit peu différents, s'ils ne font pas partie de la grande masse, s'ils ont des tendances à fonctionner d'une façon qui amène les autres autour d'eux, à rire. Comment voulez-vous que cette personne-là développe un centre ou des centres psychiques? C'est impossible. Donc les gens, il faut qu'ils soient capables d'affronter des ruptures sociales de par leur état de conscience. Il faut que les gens soient capables de s'affronter eux-mêmes. S'ils sont capables de s'affronter eux-mêmes, s'il y a rupture sociale, ils seront capables de travailler, fonctionner avec ça. Il ne s'agit pas pour l'homme de vivre de front la rupture sociale, parce que la rupture sociale, c'est pas le fun, c'est pas intéressant. Bon, on aime être relationnel, on est des êtres de relation puisqu'on est des êtres de communication. Par contre, si on en arrive à prendre conscience, à travers des dictées ou des principes qui sont émis par des gens comme moi ou d'autres, de l'importance de l'homme de respecter son individualité et à la fois respecter l'individualité des autres. À ce moment-là, on développe un très grand équilibre. Parce que les autres, les masses, le monde, ce que l'humanité a créé, c'est très intéressant, c'est merveilleux. Et à la fois ce que l'homme devra un jour créer, ou ce que l'homme peut en l'intérieur de lui-même créer, ou ce que l'homme peut à l'intérieur de lui-même réaliser, aussi c'est merveilleux. Donc, vous avez deux merveilles qui coexistent ensemble. Et comment vous pouvez vivre avec vous comprenez les autres, donc les gens vivent une sorte de satisfaction ou d'aisance, mais comment vous pouvez-vous vivre l'incompréhension des autres? On est capable de vivre l'incompréhension des autres dans la mesure où on ne met pas trop de sérieux dans ce qu'on commence à voir. Vous pouvez pas, l'homme ne peut pas passer du plan psychologique, qui est un plan très terrien, à un plan psychique qui est très éthéré, qui peut l'aider encore plus, sans, au début, être victime de sa propre fascination. On devient fasciné. Le type qui est sur une table d'opération puis qui sort de son corps puis qui voit le médecin taponner avec ses tripes, puis ça, il rentre dedans. Puis c'est évident qu'il va être fasciné par son expérience, puis automatiquement, il va vouloir en parler. Il va voir qu'un journaliste vienne, il va voir qu'il va vouloir en parler au moins à sa femme. Bon. Alors, où l'homme doit faire attention quand il passe du plan psychologique au plan psychique, c'est de parler, mais parler avec des gens qui ont une sensibilité, parler avec des gens qui ont de l'oreille, puis se fermer devant des gens qui n'ont pas. Sinon, ben là, on vit le complexe messianique, on veut changer le monde, on veut transformer le monde, on veut transformer notre femme, on veut transformer les gens autour de nous autres, on veut transformer la société. Fait qu'on devient des lunatiques, on devient des idiots. Bon. Il n'y a pas des gens qui sont messianiques parce qu'ils veulent avoir un dialogue avec d'autres? Ou établir oui, mais ça fait partie de la spiritualité, ça fait partie de la conscience astrale, ça fait partie des pièges qu'un jour ils réaliseront que ça faisait partie de leur expérience. Vous dites qu'un être psychique se suffit à lui-même. Un être psychique se suffit intégralement à lui-même. Un être psychique se suffit intégralement à lui-même. Sur quelle base? Sur la base de la centricité de son mental. Maintenant, s'il est suffisamment psychique, s'il est suffisamment... J'appelle ça tourné, s'il est suffisamment ajusté dans le mental à des plans très, très subtils, très éthérés pour en être créatif puis pouvoir amener ça dans le monde en tant qu'artiste, en tant que scientifique, en tant qu'écrivain, whatever. À ce moment-là, ça va prendre un certain temps, puis un jour, il pourra le faire. Mais tu peux pas partir de la conscience d'un certain psychiste puis tout de suite vouloir rentrer dans le monde puis démontrer à l'homme ce que tu sais. C'est même pas fini ce que tu viens de commencer à toucher du bout des doigts. C'est un peu comme nous autres quand on était jeunes puis qu'on apprenait le grec puis le latin, on était en syntaxe ou en méthode, puis on était tout énervé. T'sais. On ne parlait même pas le grec puis le latin. C'était du balbutiement. Alors l'homme, psychiquement, il balbutie, puis il va arriver dans le monde comme un prophète. Il balbutie, puis il va arriver dans le monde comme un maître. Il balbutie, puis il veut que sa femme, ses chums, son boss, puis au bureau, puis tout le monde dans le coin, s'assoit, puis l'écoute. Les grandes révélations. C'est pas de la révélation, c'est simplement temporairement de la démolition de sa façon de penser. Mm-hmm. Fait que tu peux pas arriver dans le monde puis arriver avec de la démolition de ta façon de penser. Faut que tu arrives dans le monde un jour avec de la créativité de ton mental. Puis quand l'homme sera rendu à ce point-là, ben, il sera tellement équilibré qu'il sera suffisamment sensible à ceux qui majoritairement ne participent pas à ce psychisme, puis il sera suffisamment sensible pour reconnaître ceux qui ont cette vibration-là. Puis là, à ce moment-là, ben, il pourra faire des contacts personnels, il pourra parler avec, puis il saura quand s'arrêter, quand aller plus loin, il sera réellement maître de sa parole. Mais tant que l'homme ne sera pas maître de sa parole, il doit faire attention au début, quand il passe du plan psychologique au psychique. Sans ça, les gens vont dire, tu es un vrai con. Puis ce qui arrive souvent, c'est que ces gens-là deviennent des cons, puis ils deviennent des lunatiques, puis ils deviennent malades, puis ils finissent à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'équilibrer le psychologique avec le psychisme. C'est bien beau parler de psychisme, c'est bien beau de parler d'expérience à tous les niveaux, mais faut que le jour, faut que tu ailles chez Eaton, faut que tu ailles t'acheter des bas, des cravates, faut que tu prennes soin, faut que tu t'achètes un steak, faut que tu arranges ta télévision, faut que tu mettes du gaz dans ton char. Mais si tu rentres trop dans ces affaires-là, tu vas oublier de mettre du gaz dans ton char, tu vas dire comment ça fait, mon char marche pas. Autrement dit, l'homme cesse d'être réel dans la matière. Parce qu'il commence à rentrer un petit peu dans l'immatériel. C'est pour ça que l'homme doit vivre une transmutation psychique de ses centres pour en arriver à un équilibre, pour travailler, fonctionner dans la matière, aller dans des cocktails party, puis aller dans un petit party de temps en temps, puis prendre un petit scotch de temps en temps, mm-hmm. puis dans un autre temps, faire d'autres choses. Autrement dit, il y a un équilibre là, entre le psychologique et le psychisme. Tu peux pas vivre seulement du psychisme, c'est trop éthéré. Mm-hmm. Moi, je connais quelqu'un qui est toujours en astral. Il se couche de jour, c'est en astral. Toi, en astral. Il est en astral. Je suis allé, je suis en astral, je t'ai travaillé. Je la regarde au niveau de sa personnalité, au niveau de son être, au niveau de son psychologisme, si tu veux. Il est totalement non fonctionnel, le gars. Tout en astral. Tu travailles-tu? Ben oui, je travaille avec plein. Ah, oh, je suis en astral. Je travaille sur les plans. Ouais. Fait que va dire ça à un psychologue, t'es en astral. Va dire ça à ta belle-mère. T'es en astral. Fait que, on est un petit peu comme ça au début. Quand on commence à passer du psychologique au psychisme. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer la note. Ah, c'est évident qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, puis les notions qu'on commence à avoir, puis les sciences qui existent, ainsi de suite, puis qui coexistent avec la science matérielle, puis le besoin que l'homme a d'investiguer d'autres aspects, d'autres dimensions de son être, bon, on a tendance à aller dans un domaine, puis on expérimente. Mais par contre, expérimenter, ça ouvre des sens. Il y a des gens qui font du yoga, ils ne devraient pas faire du yoga. C'est pas pour tout le monde faire du yoga. Mm-hmm. C'est comme il y a des gens qui font du ski, c'est pas tout le monde, il n'y a pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est coordonné pour faire du ski. Alors, tout le monde fait du ski, moi je fais du ski, tu te casses une jambe. Il y a du monde qui sont faits pour faire du ski, il y a du monde qui sont faits pour planter des carottes dans le champ, il y a du monde qui sont faits pour d'autres choses. Alors, tout le monde fait du ski là parce que c'est un gros marketing. Là. Puis là, c'est psychologique, ça, l'identification psychologique de la valeur de la masse. Là, si tu fais pas de ski, t'es pas correct. Mm-hmm. Si tu plonges pas de 50 pieds, t'es pas correct. T'es pas fait psychiquement pour plonger de 50 pieds. T'as le cœur, il tiendra pas. Tu vas être décoordonné, tu vas faire un flat, tu vas t'ouvrir la bédaine. Ça n'a pas d'allure. T'sais. Fait qu'on n'est pas capable de respecter notre individualité. Fait que là, on rentre dans le psychique, là, il y en a, bon, c'est à mode le yoga, après ça, c'est à mode la méditation transcendantale, après ça, c'est à mode comment est-ce qu'il appelle ça, de travailler ses écrans en dedans. Puis là, c'est plein de modes. Il y a toutes sortes de petites maîtres qui sortent dans le monde, il y a toutes sortes de petites écoles, puis en général, ça vient de la Californie, ça, ou ça vient de l'Orient, un des deux. Fait que le gars, lui, il a pas de point de référence. Il veut bien, il trouve ça intéressant. Il vibre psychiquement, mais psychologiquement, il est pas encore balancé. Il y a du channeling aux États-Unis. Bon, maintenant, quand il y a des ouvertures de centre, là, bon, une personne, il est trop tard, là, ses centres sont ouverts. Comment la personne se rebalance devant cette ouverture qui finalement l'habite? Ça dépend de son entourage. Ça dépend de ses amis. Ça dépend de son orgueil. Ça dépend de son orgueil. Parce que les gens qui passent du psychologique au psychisme vivent une sorte d'orgueil. Il y a une sorte d'orgueil particulier qui se dégage de ces gens-là. Que tu ne trouves pas chez le physiciste. Le physiciste, c'est une autre sorte d'orgueil. Il a bien travaillé, le gars. Il a travaillé 10 ans pour avoir son doctorat. Il mérite. Il a travaillé dur. Il y a une sorte d'orgueil. Un orgueil d'accompli, d'avoir accompli quelque chose. Ouais. Mais le gars qui s'en va en psychiste, il n'a rien accompli. C'est un orgueil de prédominance, c'est un orgueil de position, c'est un orgueil de statut particulier qui se donne. Puis souvent, ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas de formation. Souvent, ce sont des gens qui n'ont pas une grande formation, une grande éducation. Puis le fait de rentrer dans ces affaires-là, ça leur donne quelque chose que toi, tu n'as pas, le petit doctorat. T'sais? ils sentent un petit peu, ah, moi je sais des affaires sur la mort que toi tu sais pas dans ton laboratoire, mon gars. Moi je sais des affaires sur le monde invisible que toi tu sais pas dans ton, dans ta cathédrale de science morte. Fait que ça, c'est un orgueil. Puis, ça peut être très dangereux parce que c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi les gens qui se lancent dans ces domaines-là, souvent, en relation avec des écoles ou des maîtres qui leur empoisonnent l'esprit, ce sont des gens qui manquent beaucoup de maturité. C'est pour être équilibré, il faut que l'homme soit équilibré. Un petit peu de science cartésienne plus un petit peu de science psychique, ça fait un bon cocktail. Ça cohabite, ça. Ça cohabite parfaitement. Tu peux pas renier le fait que les smart bombs que les Américains ont fait, ont envoyé en Arabie, c'est au bout. C'est efficace. Ils sont au bout, ces smart bombs-là. Ouais. Il y a toute une technologie là-dedans, c'est extraordinaire. Ouais. Bon, ça, c'est un niveau. Puis après ça, il y a d'autres smart bombs. Mais ceux-là sont plus dangereux. Parce qu'au début, ils sont pas sous le contrôle de l'homme. Les Américains avec le smart bomb, c'était sous le contrôle. Ils pourraient en mettre, ils ne pourraient pas en mettre. Mais nous autres, quand on tombe dans le psychisme, on n'est pas encore habilité à vivre ces smart bombs-là. On n'est pas habilité à vivre qu'est-ce qui va nous venir des autres plans. Puis c'est là le danger. Puis c'est pour ça que les gouvernements, les associations sociales, les groupes sociaux, les psychologues qui s'occupent ou qui s'intéressent à protéger les gens contre tout le domaine psychique, occulte, paranormal. Ils ont raison parce que ce sont ces gens-là qui sont obligés de les reprendre ensuite à l'hôpital. C'est eux autres qui sont obligés de leur donner des pilules pour couper le contact entre le psychisme et le psychologique, entre l'astral et l'ego. Fait que ces gens-là qui regardent ça, qui voient ces victimes-là du champ de bataille psychique, ils commencent à se poser des questions. Ils font des lois. Puis ils ont raison de faire des lois parce que l'homme a besoin d'être protégé. L'individu, lui, qui va avancer lentement, progressivement, intelligemment dans l'étude de ces sciences qui sont, entre parenthèses, occultes, là, à ce moment-là, lui, il finira pas à l'hôpital. Il n'y aura pas de problème. Il va se trouver une vie bien équilibrée, puis il va travailler, puis il va aller chez Eaton, puis il va s'acheter son steak, puis il va mettre du char dans son gaz, puis peut-être de temps en temps, il va aller en astral. Tandis que l'autre, lui, qui est débalancé, puis qui a été conditionné par des maîtres, puis qui a été fasciné par des sciences, lui, il n'est pas nécessairement prêt psychiquement à vivre des notions, puis vivre l'ouverture de ses sens. Fait que pour moi, les sciences occultes, ce sont des sciences dangereuses parce qu'elles débalancent le psychologique. Et elle ouvre l'homme vers le psychisme. Et ces sciences-là, ce sont des sciences qui sont des sciences de fait. Elles existent, elles coexistent avec les sciences matérielles cartésiennes, mais l'homme doit les utiliser avec très grande précaution, avec jugement. Et l'homme doit réellement prendre son temps puis pas rentrer là-dedans trop vite. Comment ça s'ouvre un centre? Quand on parle de techniques de yoga qui rouvrent des centres ou des gens qui travaillent avec des écrans mentaux. Ce qui ouvre les centres, c'est que quand vous commencez à vous nourrir de notions qui n'appartiennent pas au mémoriel psychologique, vous commencez à vous nourrir de notions qui appartiennent à d'autres plans, dont vous ne pouvez pas vérifier avec certitude la validité. Tant que tu ne peux pas vérifier avec certitude la validité, tu es automatiquement, vibratoirement en danger, tes centres s'ouvrent, mais après ça, tu es pris avec le paquet. Je te donne un exemple. Bon, vous allez prendre des gens qui vont aller dans certaines écoles, par exemple, puis ils vont faire des... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Des mantras. Des mantras ou des laboratoires. Ils appellent ça des laboratoires. Laboratoire mental. Bon, le phénomène du laboratoire mental, c'est un phénomène psychique réel. OK. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière? Qui c'est que tu vois si ton laboratoire mental? L'homme n'est pas équipé pour pouvoir voir la connexion en arrière d'image. Il voit avec l'image. Il ne voit pas en arrière d'image. Si l'homme était capable de voir en arrière de l'image, aller en arrière de l'image, peut-être qu'il verrait que la projection qu'il voit sur son écran mental, elle est une manifestation astrale d'un plan qui est très bas, qui peut se situer sur les éthers astraux les plus bas qui existent. Autrement dit, il existe dans l'astral de la Terre, sur les plans très inférieurs de la Terre, des formes humaines animalisées, des intelligences extrêmement basses en vibration, qui font partie de ce qu'on peut appeler les enfers astraux, et ce sont ces intelligences-là, ces êtres-là, qui créent et qui manifestent dans l'écran mental de l'homme. Ils peuvent manifester n'importe quelle forme, et le gars, lui, il est dans sa petite télévision intérieure, puis il pense qu'il deal avec ce qu'il voit, lorsqu'en fait, il deal avec quelque chose qu'il voit pas. C'est pour ça que c'est dangereux. Mais les gens le savent pas. Mm-hmm. Les gens le savent pas. C'est la raison pourquoi est-ce que j'écris dans ce domaine-là. Pour que les gens en arrivent à le comprendre puis à réaliser que l'occulte, il a toujours existé, il coexiste avec le matériel, mais que l'occulte, les sciences occultes sont des sciences dangereuses. Mais ce sont des sciences extraordinaires à partir du moment où l'homme est balancé psychologiquement et psychiquement, parce que c'est une extension dans l'invisible, c'est une extension dans des mondes parallèles, c'est une extension dans des plans qui constituent l'égrégore mental de l'homme ou l'égrégore astral de l'homme, qui constituent la matière dont est faite l'âme et l'esprit. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ce ne sont pas les sciences occultes en soi qui sont un danger. C'est la façon dont les gens vivent et traitent avec les sciences occultes. Et c'est pour ça que l'homme, quand il commence à aller dans la direction de ces sciences occultes-là ou ésotériques-là, il ouvre ses sens. Les entités se manifestent à différents niveaux selon leur sensibilité. Puis éventuellement, le gars, il n'est pas équipé. Pardon, pour dealer avec ça. Il n'est pas équipé pour dealer avec ça. Mm-hmm. Puis, tu finis que tu as énormément de victimes, tu as des gens qui sortent du système, tu as des gens qui ne travaillent plus, tu as des gens qui sont totalement débalancés. Puis si tu ajoutes à ça de la drogue, du pot, puis tout ça, tu es fait à l'os. Ouais. Tu es fait à l'os. Parce que là, tu en as encore moins de contrôle. Alors, est-ce qu'une prise de conscience, puis une ouverture de sens, c'est la même chose, ou il y a une différence? Une prise de conscience, l'ouverture des sens, c'est la même chose. C'est la même chose? Oui. Donc, exemple, si pour une soirée comme un soir, on comprend des choses, on vient d'ouvrir un sens. Une prise de conscience, ça n'a rien à faire avec comprendre quelque chose. Une prise de conscience, c'est un état mental qui est altéré. Comprendre quelque chose, tu peux comprendre quelque chose psychologiquement, intellectuellement, c'est intéressant, c'est le fun, mais c'est pas nécessairement une prise de conscience. C'est psychologique. Comprendre quelque chose, c'est psychologique. Savoir quelque chose, c'est psychique. C'est psychique. Tu peux comprendre. Toi, tu peux me parler, je comprends rien, mais je sais ce que tu veux dire. C'est du bruit que j'entends, des mots, des paroles. Fait, je comprends rien, mais je sais ce que tu veux dire. Puis si tu te trompes parce que tu t'en fâches, tu n'emploies pas le bon terme, ainsi de suite, je sais que pareil ce que tu veux dire. Fait que je comprends rien de ce que tu veux dire, mais je sais ce que tu veux dire. Donc, je suis pas psychologique, je suis psychique. Tandis que l'homme, lui, il est psychologique. Puis, il va comprendre quelque chose, mais il sait pas. Donc, c'est pas une prise de conscience. C'est simplement un état de conscience qui est psychologique, qui est inférieur à un autre niveau de conscience qui est purement psychique. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à savoir les autres ou leur expérience de vie avec d'autres en partant du fait qu'ils ont des mécanismes de défense qu'ils doivent conserver psychologiquement? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des êtres qui refusent certaines informations de leur environnement? Je pense entre autres à des couples où la femme ou l'homme ont un certain appétit d'informations dites psychiques ou occultes, et que le partenaire, lui, se refuse à combiner dans son idée. Est-ce que ce mécanisme de défense-là n'est pas sa façon de se protéger contre l'impression d'un déséquilibre chez l'autre qui pourrait être réel si les deux seraient dans le mouvement? Très juste. Oui. D'ailleurs, dans un couple, autrement dit, dans une relation de deux personnes, souvent, vous allez en avoir un qui est gung-ho pour le psychisme, vous allez en avoir un autre qui est très, très rassis, ainsi de suite. Puis, vous allez voir celui qui est gung-ho pour le psychisme, éventuellement ou avec le temps réellement devenir débalancé. Fait, comment voulez-vous que l'autre qui est restreint aille vers le psychiste quand tu vois que son chum ou sa blonde ou sa femme ou son mari est en train de tout mettre sa vie à terre? Elle avait une bonne job chez Eaton, là, c'est rendu qu'elle avait plus travaillé. Elle mettait du char dans son gaz, là, on n'en a plus. Capable de s'occuper de vous? Non, les autres n'ont pas besoin de s'occuper de moi parce que je m'occupe de moi-même. Donc, fondamentalement. Fait que si je rencontre quelqu'un d'un restaurant, puis à cause de mon psychisme, je dis, tu t'es marié la semaine passée? Mm-hmm. Puis elle me connaît pas, ou il me connaît pas? Ben, c'est une façon simpliste, psychique, mais psychologique, de faire un petit lien. Mais comment ça fait que tu sais ça? Ah, ben, on dirait que ça m'a passé par l'idée. Pour commencer à dire, j'ai un contact avec le plan mental, je suis Bernard de Montréal, voilà. Comment tu veux dire? Ah, parce oui. Que là, le gars, il va retourner de bord, il va dire, oh, tu me joues une game, t'as entendu parler de ça du journaliste à côté. Voilà. Ouais. Fait que, quand l'homme va entrer dans cette conscience-là, ben, l'homme, son intelligence va être équilibrée. Ça va être équilibré, l'affaire. Bon, il soit équilibré. Il y a un point, Bernard, c'est qu'il y a des personnes que je rencontre à quelques occasions qui vont se plaindre du manque d'ouverture d'esprit de leurs partenaires ou de leurs amis parce qu'eux sont dans une démarche dite psychique. Et la façon que je reçois ça, c'est que les personnes qui sont finalement sur une défensive vis-à-vis du psychisme n'ont pas tort en substance. Donc, il existe des mécanismes de défense. Mais quelle est la différence entre un mécanisme de défense contre, je dirais, l'ouverture d'un centre qui pourrait avoir des conséquences graves que certaines personnes ressentent et le doute? La personne qui doute et puis qui remet tout en doute. Tu sais, il y a la personne qui se défend d'ouvrir ses centres parce qu'elle sent quelque chose de dangereux. Et puis l'autre personne qui vit du doute, est-ce que c'est pas le même mécanisme? J'ai l'impression que les gens qui se protègent, comme vous dites, ou qui doutent, ou qui s'empêchent d'aller vers une plus grande ouverture d'esprit, ce sont des gens qui, dans leur expérience, n'ont pas été confrontés, n'ont pas été amenés à vivre une sorte de relation réellement créative avec l'expérience des autres. Dans ce sens que... OK, je le remets d'une autre façon. Si on prend une personne qui n'est pas psychique, puis une personne qui est psychique, ou qui commence à l'être, ou qui l'est, mm-hmm. puis vous les entendez, ils se rencontrent. Puis si vous regardez comment est-ce que ces gens-là se parlent, et surtout la personne psychique, vous allez voir qu'il y a beaucoup, il y a un grand manque de maturité dans la personne psychique. Il y a un grand manque de maturité. Elle n'est pas encore intégrée dans son psychisme. Elle n'a pas les deux pieds à terre. Elle n'a pas les deux pieds à terre dans l'invisible. Dans l'invisible? Ouais. Elle n'a pas les deux pieds à terre dans l'invisible. Elle n'est pas capable de balancer les deux vibrations, la vibration psychologique et la vibration du psychisme. Elle n'est pas capable de se retenir. D'ailleurs, une des grandes manifestations que l'homme qui passe du psychologique au psychisme réalisera dans son expérience, c'est qu'on dirait que quand il rentre là-dedans, il y a comme, c'est comme une diarrhée. Il faut qu'il en parle. Puis vas-tu m'écouter? Puis j'ai des affaires intéressantes à te dire. T'as jamais entendu parler de ça? T'es pas conscient? Il y a des affaires que je cite toi et que tu sais pas. Fait que, comment est-ce que tu veux que le gars qui est bien normal, qui mette du gaz dans son char, soit intéressé à changer de place avec celui qui n'en met pas? Ouais. Tu vois ça, Zé? Ah oui, très bien. Prends pas le monde pour des fous. Ouais. Faut pas prendre des gens qui sont psychologiques pour des caves. C'est eux autres qui construisent les maisons. C'est eux autres qui construisent les automobiles. C'est eux autres qui construisent des moteurs. Mm-hmm. C'est eux autres qui sont les grands porteurs de la science. Prends-les pas pour des caves. Faut pas prendre les médecins et les psychologues pour des caves. Mm-hmm. C'est nous autres, dans nos illusions astro-psychiques, qui sommes caves. Puis qui nous pensons des illuminés. Mm-hmm. C'est nous autres, pas eux autres. Les autres sont corrects. Les autres, ils punchent le matin, puis ils punchent le soir. puis ils vont en Floride à tous les semaines, puis ils ont des enfants, puis ils ont des chars, puis ils ont des télévisions, puis tout marche bien. Leur télévision, eux autres, elle marche. Leur toaster marche. C'est notre toaster à nous autres qui marche pas. Puis après ça, on va dire, ah ben, mon toaster, il marche pas parce qu'il y a des élémentaux dans ma maison. L'autre, il va dire, bon, on chie, va chez l'électricien, puis il fallait marcher dans la crise de toaster. Vois-tu? Il y a des éléments. Ça fait que... Ça va loin, l'affaire. Tu sais, Là, c'est des éléments brûlés dans le toaster. Mais l'aspect, Bernard, donc, du mécanisme... J'ai rencontré une psychique une fois. Moi, je suis toujours en cravate, là. Bon. Pas des chemises, puis des boutons de manchette. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Comment c'était tout habillé? Elle avait un turban sur la tête. Elle avait des pendants d'oreilles. T'aurais pu mettre deux paires de quatre à chaque bord. Elle avait pas de bottines. Elle marchait nu-pied. Les pieds sales. Elle sentait l'eau de Javel avec du brin de scie. Puis elle questionne mon vêtement, ma belle chemise propre puis ma cravate. Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'était le médium qui a perdu la boule. Elle n'a pas perdu la boule de cristal. Elle l'a gardé la boule de cristal, mais la boule, elle l'a perdue. Puis c'est plein de gens qui se promènent avec la boule, mais qui ont perdu l'autre boule. Puis après ça, ces gens-là, ils rencontrent des gens naïfs, là, des gens qui ont entendu parler à la télévision du corps astral ou de la vie après la mort. Puis ils s'imaginent qu'eux autres, là, qui ont perdu la boule, là, puis qui se promènent avec des grands turbans, puis qui n'ont pas de bottines, là, qui vont les amener à des grandes révélations. Puis qui vont les amener à pouvoir mettre du gaz dans leur char après 6-7 mois, puis un an d'endoctrinement de même. Très grave. Je suis bien content que les gouvernements s'occupent de développer ou de créer des lois pour protéger les gens qui vont un petit peu trop loin dans ce que j'appelle l'affabulation occulte, parce que c'est très dangereux, ça peut déstabiliser les masses humaines, ça peut déstabiliser les individus, puis il faut absolument que l'homme, dans sa légifération, dans son plan psychologique, mette des barrières là où c'est nécessaire, sans nécessairement entraver le progrès et l'évolution de la conscience humaine. Il reste que pour certaines personnes qui sont dans une recherche ou dans... On parle d'un besoin. L'ouverture des centres devient comme à un certain moment donné comme une sorte de déblocage. Ils sont rendus là. Pour identifier le fait qu'on est rendu au stage de vivre une ouverture à un niveau. Rendu où? C'est quoi cette affaire de rendu là? Bon, ben, rendu où? Bon, ben, j'imagine qu'une personne qui vient pour une conférence comme ce soir. Probablement qu'il y a 10 ou 15 ans, elle n'a pas pensé à vivre une expérience comme celle-ci. Puis qu'à un certain moment donné, soit parce qu'elle elle entend parler un de ses amis de la nature des conférences ou des choses du genre, a besoin de dire, bon, ben, je veux vivre cette expérience-là, je veux rencontrer ça, cette vibration-là. Il faut quand même... Les gens qui viennent à ces conférences-là sont pas des gens qui veulent voir cette vibration-là. C'est probablement des gens qui veulent voir comment... Qui c'est qu'elle a l'air, ce gars-là? Je vais aller voir qu'est-ce qu'il a l'air, ce gars-là. Fait que quand ils viennent voir qu'est-ce qu'il a l'air, ce gars-là, ben, ça a de l'allure, c'est intéressant. Au moins, ils viennent pas voir un gars qui est trop parti. Un gars qui est trop flyé. Ils viennent voir un gars qui a une cravate, puis lui, il échaîne ses souliers, puis il nettoie sa chemise à tous les jours, puis il parle de choses différentes. Mais différente simplement pour montrer à l'homme qu'il y a plus que le plan psychologique. Mm-hmm. Mais pas différent pour amener l'homme dans une expérience que il a besoin d'avoir pour être mieux qu'il est là. Ah ouais, là, dire? Là, je vois une nuance. Autrement dit, la vibration est là, le matériel est là, on peut parler n'importe quoi, mais faut que ça soit créatif. Faut pas que ça serve à faire passer l'homme du plan psychologique au plan psychique. Faut que ça serve à l'homme dans le plan psychologique de regarder avec ses yeux psychologiques des dimensions qui viennent d'un gars qui est psychique ou qui se dit psychique. Puis, ah, c'est intéressant, ça. Puis, ce qu'il dit, bon, mais moi, j'ai vécu ça, j'ai senti ça, les affaires là-bas. Fait que là, il se crée comme une liaison, il se crée comme une affinité, il se crée comme un éther de reconnaissance de notre propre expérience. Fait qu'il est pas tout seul, ce gars-là, il y en a d'autres. Il y en a des centaines, puis il y en a des milliers qui vivent ça à différents niveaux. Bravant, différent du sien, mais qui s'en vont tous dans la même direction, c'est-à-dire l'ouverture de l'homme d'une conscience psychologique vers une conscience psychique de plus en plus intégrée. Autrement dit, on peut pas aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, avec tout ce qu'on connaît d'expérience, puis de bâtardisation de l'occulte, on peut plus se permettre de ne pas protéger l'homme contre son propre ennemi, qui est lui-même. Mm-hmm. On peut pas se permettre. Les gens qui s'en vont dans le domaine psychique ou qui s'ouvrent ou dont les centres s'ouvrent sur le plan psychique ont une grande responsabilité par rapport à l'homme, le moindre des hommes qu'ils rencontrent dans leur vie, parce que à cause de la vibration, à cause des notions, ainsi de suite, ils vont avoir tendance à fasciner l'ego. Et tu dois pas fasciner l'ego quand tu passes, quand tu vis une relation avec lui. Tu dois pas fasciner l'ego. Et le problème de l'homme qui hante ou dont les centres s'ouvrent, le problème de cet homme-là, c'est qu'il a tendance à vouloir fasciner l'ego. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il est fasciné lui-même. Et quand un homme est fasciné par lui-même, quand un homme est fasciné par ce qu'il sait, parce que tant qu'un homme est fascinable, il est un grand danger pour les autres hommes autour de lui, et à ce moment-là, c'est mieux que les autres hommes autour de lui demeurent psychologiques, et lentement deviennent psychiques de leurs propres moyens, lentement, dans leur propre temps, quand ils seront prêts. Sinon, vous créez encore des relations de maître-disciple, vous créez encore des relations de supérieur à inférieur, vous créez des relations encore de plus évolué à moins évolué, puis là, vous commencez à astraliser le psychisme de l'autre, les entités rentrent, puis c'est là que l'homme perd son individualité, il devient possédé, puis éventuellement, il peut en arriver à perdre l'esprit. Fait que la plus grande responsabilité dans le monde des hommes qui sont psychiques ou qui reconnaissent en eux des aspects qui sont d'un autre ordre, c'est de protéger d'abord ceux qui sont autour d'eux et qui ne le sont pas psychiques. Et cette protection-là, ils pourront la dispenser quand ils arrêteront une fois pour toutes de se prendre au sérieux, c'est-à-dire de croire ou de penser qu'ils ont finalement mis le doigt dessus, qu'ils ont finalement mis le doigt scotchard. Parce que l'homme va s'apercevoir que toutes les routes mènent à Rome, mais rendu à Rome, il y en a un autre qu'ils connaissent pas, puis c'est leur propre route individuelle. Vous dites que quand l'individu est fasciné, il est dangereux pour les autres. Dans un homme qui est fasciné par l'occulte ou par le psychisme, il est dangereux pour les autres parce qu'il est déjà astralisé dans son mental. Moi, je suis un homme qui vit cette conscience-là depuis 1969. Puis, mon expérience en tant qu'initié m'a démontré, puis m'a amené dans une lutte profondément occulte avec moi-même, puis les plans, à détruire la moindre fascination que je puisse avoir pour les plans ou pour l'invisible. Pourquoi? Parce que l'invisible fait partie de l'homme. L'invisible fait partie de l'homme. Le steering peut pas être fasciné par le moteur. Les roues peuvent pas être fascinées par le body. C'est un char. Chaque pièce a sa fonction. Donc, l'homme ne peut pas être fasciné par une pièce ou par une pièce de lui-même, le mental supérieur. Et au début, à cause du manque de conscience, à cause du manque d'intégration entre le psychologique puis le psychisme, à cause du manque de maturité, à cause de la spiritualité de l'homme, à cause de la naïveté de l'ego, à cause de l'orgueil spirituel de l'homme, la fascination rentre, puis la fascination, c'est la façon à l'astral de garder l'homme prisonnier de formes pensées ou de notions afin de l'empêcher, lui, d'arriver à un étage ou à un plan supérieur de sa conscience, qui est ce que j'appelle la conscience supramentale. Autrement dit, l'homme a trois plans possibles, la matière, l'astral, puis le mental pur, puis quand il sort de la matière ou du psychologique, puis qu'il s'en va dans le psychisme, les premières étapes, les premiers plans, les premières ouvertures de son psychisme sont astrales. Le premier contact que l'homme a avec le psychisme, il est astral. Puis ça, c'est évident pour une personne comme ma personne qui vit l'expérience ou qui côtoie des milliers d'individus. Le premier contact avec le psychisme, c'est astral. Puis au cours de l'expérience, puis l'homme en arrive finalement à flusher l'astral. L'homme finalement en arrive à être totalement libre de l'astral, puis là il rentre finalement en contact avec sa conscience mentale, c'est-à-dire avec son principe universel, puis là il est capable de regarder l'astral. Il est capable d'entrer en communication avec des entités dans l'astral, mais ils n'ont plus de pouvoir sur lui. Il est libre. Ça fait que là, il est libre. Mais avant que l'homme en arrive à ça, ça prend un certain temps. C'est pour ça qu'il ne doit pas, dans ses premières expériences, dans le premier mouvement de son esprit, à travers les plans nébuleux de sa conscience astrale animique, il ne doit pas se prendre au sérieux, il ne doit pas se sentir fasciné par ce qu'il vit comme expérience, parce qu'il va communiquer aux autres. Mm. Ça devient contagieux. Mais une personne qui sait, est-ce qu'une personne qui sait se prend au sérieux? Tu sais, dans le sens qu'il y a une certitude dans ce qu'on sait. Une personne qui sait ne peut pas se prendre au sérieux parce que ce qu'elle sait, elle sait que ce n'est pas sérieux. Comment est-ce que tu peux prendre au sérieux si tu sais que ce que tu sais n'est pas sérieux? C'est quand tu penses que ce que tu sais est sérieux que tu te prends au sérieux. Mais quand tu sais ce que tu sais, c'est pas sérieux, à ce moment-là, tu peux te prendre au sérieux parce que tu réalises que savoir, c'est simplement un processus créatif qui n'est pas réfléchi par l'ego puis qui n'est pas pensable. Ça se pense pas, savoir. Oui. Oui, c'est... Partant tu peux pas dire « je pense que je sais ». Oui, c'est vrai. Fait que si tu dis « tu penses que tu sais », c'est parce que tu sais pas. Mais si tu sais, tu peux pas dire « je pense que je sais ». Parce que quand tu sais, tu es obligé de supporter ce que tu sais. Tu es obligé de supporter ce que tu dis. Tu es obligé de vivre la certitude de ton intégration, de ta fusion. Fait que l'homme qui sait, il sait très bien que ce qu'il sait, c'est sans importance. Parce que la forme qu'il utilise pour manifester ce qu'il sait, c'est simplement une forme qui sert à éclairer l'homme. C'est pas une forme qui sert à l'éclairer lui. Lui est dans sa propre lumière anyway. Tu demandes pas une flashlight de s'éclairer. Il est dans sa propre lumière. Seulement que, de temps en temps, il peut envoyer le faisceau par ici, puis il peut envoyer le faisceau par là. Il peut voir le relief du mur, de l'espace. Puis à ce moment-là, il jette un petit peu de lumière là, puis il jette un petit peu de lumière là. Mais lui-même, il devient une flashlight. Il est sa propre flashlight. Mm-hmm. Fait qu'il peut pas avoir l'illusion ou vivre l'illusion du sérieux de ce que c'est. D'ailleurs, une des grandes raisons pour laquelle l'homme n'est pas invité à vivre une télépathie universelle avec le plan mental tant qu'il n'en est pas arrivé à une très grande intégration de son moi, puis à une très grande relation éthérique avec son double, c'est parce que l'homme ne sera pas capable de supporter ce qu'il sait. Parce que supporter ce qu'il sait, ça veut dire avoir accès instantanément à n'importe quoi en fonction de ce que ces plans-là sont willing ou volontaire de t'envoyer. Donc, l'homme ne sera pas capable, psychologiquement, psychiquement, de supporter la grande pression de cette énergie-là. L'homme sauterait. L'homme deviendrait totalement dingue. Fait qu'il est protégé de trop savoir pour être le fun de savoir. Fait qu'un homme qui sait, dans le fond, il sait rien. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il a accès à savoir ce qu'il a besoin de savoir, quand c'est le temps de savoir, puis c'est ça la différence entre un homme qui sait puis un homme qui pense qu'il sait. C'est clair, hein? C'est comme de l'eau de roche. Mais... C'est clair comme de l'eau de roche! Ouais. Effectivement, parce que de l'eau de roche, ça s'embête pas, ça s'enfarge pas, ça coule. Donc un homme qui sait, il coule. Il s'arrête pas à regarder ce qu'il sait. Aussitôt que tu t'arrêtes à regarder ce qu'il sait, tu t'enfermes. T'es fait à l'os parce que tu vas réfléchir sur ce que tu sais. Puis qui c'est que tu penses qui va reprendre ça, cette réflexion-là? C'est l'astral. Okay. Qu'est-ce que tu penses qui vient le doute de la conscience égoïque? Il vient de l'astral. C'est pas l'homme qui doute. C'est une petite vibration qui passe dans son mental puis qui le fait douter. Ça vient d'où, ça? Ça vient de l'astral. Le doute que l'homme vit, ça vient pas de sa lumière, ça vient pas de sa source, ça vient pas de lui, ça vient pas de son principe cosmique universel, ça vient pas de sa cosmicité, ça vient pas de sa fusion. Il y a pas de doute dans la fusion, il y a une certitude absolue. Mais quand l'homme vit du doute, ça vient de l'astral. Fait que le doute sert à quoi? Il sert à empêcher à l'homme, il sert à empêcher l'homme de rentrer dans sa conscience. Il sert à empêcher l'homme de rentrer dans son universalité. Donc, dépendant de son expérience, dépendant de sa mémoire, dépendant de sa culture, dépendant de sa race, dépendant de la mémoire de sa race. Si tu es juif, si tu es catholique, si tu es musulman, si tu es whatever it is, ben, il est pris l'ego avec ce stock-là. Puis tu sais que quand tu as du stock de même, c'est dur à t'en débarrasser. Tu te rappelles quand t'avais 14 ans et t'as décidé un jour de plus aller à la confession? T'en as-tu eu des remords pendant 3-4 mois? Après ça, ça s'est estompé, la mémoire à star. Tu rencontres un autre chum qui va plus non plus. Tu sais? Fait que si on retourne 10, 15, 20 ans, on est un petit peu plus sophistiqué aujourd'hui, là. Psychologiquement, là, on est un petit peu plus sophistiqué. Mais retourne dans le temps de Duplessis, là. Crois-tu? Retourne dans ce temps-là, ceux qui sont titres, là, puis tu vas voir que c'était du stock. Se retourner contre l'autorité sanctionnée par l'histoire, que ce soit une autorité politique, que ce soit une autorité spirituelle, c'était du stock. L'homme vivait du doute. Le doute, il vient d'où? Il vient d'astral. Fait que c'est la même affaire aujourd'hui. Puis l'homme qui va passer du plan psychologique au plan psychique, il va vivre aussi le doute. Parce que l'astral ou le monde de la mort ou les entités de la mort ne sont pas intéressés à ce que l'homme connaisse les secrets occultes de la conscience, et encore moins les secrets occultes de la vie, parce que leur fonction, leur reason, their reason for evolving, their reason for being, leur raison d'être, c'est d'utiliser les pensées puis les émotions de l'humanité. Les morts se nourrissent des vivants. Le mort, c'est un vampire. Là, vous allez dire, ben oui, bien des grands morts. Il y a des grandes entités, il y a des grands maîtres avec des belles barbes. Je vous conjure de m'amener un grand maître avec une grande barbe qui en sait plus que l'homme intégré. L'homme va réaliser un jour que la fusion, ça fait partie de la paternité de l'homme, ça fait partie du lien entre la conscience cosmique de l'homme, l'âme de l'homme et l'ego de l'homme, et ça fait partie du nouveau plan d'évolution de la planète. La fusion, c'est la réalisation ultime de l'homme par rapport à sa source qui était brisée, fracturée lorsque l'homme a vécu la conscience de la race adamique. La fusion, c'est le retour de l'homme à son universalité. Donc, il est pas réaliste, c'est pas réel de pouvoir s'imaginer que des morts qui sont des hommes désincarnés, qui ont la mémoire de leur incarnation, à quelque niveau qu'elle soit, que ces êtres-là soient plus avancés en science cosmique de l'esprit que l'homme en conscience de fusion. Ça n'a pas d'allure. Les morts sont libres d'un corps matériel, mais sont dans la mémoire de leur personnalité. Tu rencontres un petit gars qui meurt aujourd'hui parce qu'il a été frappé par un truck. Quand il arrive l'autre bord, c'est un petit gars qui vient d'être frappé par un truck. C'est pas un grand maître parce qu'il est dans le monde de la mort. Fait que le gars qui était un grand maître, type, qui a aussi vécu la spiritualité ou l'astralisation de sa conscience astrale, de sa conscience spirituelle sur la Terre, quand il arrive l'autre bord, il arrive l'autre bord, effectivement, sur des plans supérieurs, il est en charge de l'évolution des religions puis de l'esprit des religions, mais il est encore prisonnier de ses propres illusions que quand il était ici, dans la matière, prisonnier d'autres plans, d'autres forces qui faisait aussi le même jeu de toujours empoisonner l'esprit humain avec toutes sortes de notions qui ne sont pas vérifiées par l'homme tant qu'il n'y a pas une conscience intégrée, c'est-à-dire une conscience qui est capable de briser la forme astrale de la pensée pour entrer dans une forme créative d'énergie qui peut utiliser la forme de la pensée pour véhiculer cette énergie-là, mais dont lui, en tant qu'être pensant, n'est plus victime parce qu'il pense plus. Le problème de l'homme, c'est qu'il pense, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du constat universel de son expérience planétaire, mais l'homme, un jour, au cours de l'évolution, ne pensera plus de façon réfléchie comme on le fait aujourd'hui. Pensez-vous que les hommes ont toujours pensé? Les Atlantes ne pensaient pas. Les Atlantes vivaient beaucoup plus au niveau de leur corps astral que nous autres aujourd'hui. Ensuite, les Indo-Européens sont venus, puis l'évolution des races puis des sur-races qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le phénomène de la pensée, du développement de l'ego, ça fait partie de l'évolution de l'humanité, mon cher. Donc, les races qui sont venues avant les Atlantes, c'est encore la même chose, ils étaient beaucoup plus éthérisés que les Atlantes. Donc, il y a eu l'évolution de la troisième race racine, la quatrième race racine, la cinquième race racine, dont nous, on est les fils aujourd'hui. Viendra la sixième race racine, où l'homme, finalement, commencera à vivre sa pensée sur un plan télépathique avec les circuits universels. Puis, rendu au niveau de la septième race racine, l'homme pourra vivre en dehors de son enveloppe matérielle, puis éthériser sa forme, puis vivre dans un espace-temps qui est totalement en dehors de nos notions d'expérientiel d'aujourd'hui, et l'homme vivra par rapport ou en relation avec des intelligences, puis des gouvernements, puis des mondes qui sont existants aujourd'hui, mais en dehors de notre dimension spatio-temporelle. Mais pour ça, faut que l'homme passe du plan psychologique où il a développé l'ego, pour rentrer dans le plan psychique qui est la connexion entre le plan universel et l'ego, dépasser le plan psychique qui est un plan effectivement astral, contrôlé par l'astral, à travers toutes les idéologies possibles et imaginables qu'on retrouve dans les religions, la spiritualité, l'occulte, l'ésotérisme et toutes les formes d'hermétisme, puis en arriver finalement à vivre le face-à-face avec sa réalité, c'est-à-dire en arriver à une conscience tellement perfectionnée que la moindre forme pensée est capable d'être mise sous le regard de son œil microscopique. L'homme est capable, un homme conscient qui est dans une conscience intégrée est capable de regarder n'importe quelle idée, n'importe quelle idéologie et la fracturer, la prendre pour ce qu'elle est utile pour la majorité ou la masse de l'humanité en évolution, la mettre de côté complètement pour lui-même. Donc, il y a un équilibre entre le côté psychologique et psychique de son être. Il sait que telle forme de pensée est nécessaire pour l'humanité. Il sait que les religions sont nécessaires pour l'homme. Il sait qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, les religions, la chrétienté, les religions juives, les religions bouddhistes, whatever it is, même si c'est pas une religion, toutes ces idéologies spirituelles-là sont nécessaires pour l'humanité parce que l'homme est trop loin de son centre. Il sait que certaines idéologies politiques sont nécessaires pour l'évolution politique de l'humanité, puis ça fait partie du combat politique terrestre, matériel, planétaire de l'homme, en évolution. Mais il sait que lui, en tant qu'individu, vivant ou connaissant une conscience cristallisée, vivant une conscience au-delà de la polarité du psychologique et du psychisme, est totalement intégré. Il est plus affecté par la notion de valeur qu'on met sur une forme. Tu y parles de Dieu, il va le regarder, le concept de Dieu, par rapport à lui-même. Si tu peux pas, toi, en tant qu'individu, parce que tu fais encore partie d'une conscience majoritaire, si t'es pas prêt psychiquement à avoir accès à des notions qui expliquent le phénomène qu'on appelle Dieu, mais sur des plans universels plus élevés, à ce moment-là, ils n'en parleront pas. Ils n'en parleront pas. Penses-tu que je vais aller voir ma bonne mère puis je vais commencer à y parler de la conscience des alertes? Elle va dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu des lapins? Comprends-tu? Mm-hmm. Alors, le problème avec l'évolution de la conscience humaine qu'on vit aujourd'hui et qu'on vivra dans les générations à venir, c'est que l'homme va définitivement passer d'une conscience purement psychologique cartésienne à une conscience beaucoup plus fluide, psychique. Mais cette conscience psychique-là sera simplement une période de transition entre la conscience psychologique et la conscience mentale supérieure. Donc, l'homme doit reconnaître et s'inviter à reconnaître. Ça fait partie de son expérience. Ça dépend de l'orgueil qu'il peut avoir dans le mental, ça dépend de sa formation, ça dépend de la déformation de son ego. L'homme a avantage à savoir, surtout par des personnes comme moi-même qui ont vécu ces expériences-là, puis qui sont pas fascinées par l'occulte, qui sont pas fascinées par l'ésotérisme, puis toute cette patente-là, ou l'invisible astral. L'homme a avantage à savoir puis à reconnaître que son ouverture ou l'ouverture de ses centres vers le psychisme après son endormitoire de longue date dans le psychologique, c'est simplement le début de son investigation des plans invisibles. Fait que quand l'homme se rappelle d'aller en astral, il s'apercevra que l'astral, il n'y a rien là. L'homme passera à une autre étape, il passera dans sa conscience éthérique. Puis c'est au niveau de sa conscience éthérique que l'homme aura réellement une conscience universelle, que l'homme saura réellement, finalement, ce qui se passe au niveau de la création. C'est quoi la création? Pourquoi est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Quelle place qu'on s'en va? Qui c'est qui nous a créés? On a-t-il été créé par quelqu'un? où on a été simplement la manifestation supratemporelle d'une force mentale qui coexiste avec la consubstantialité de l'espace atomique qui est régie dans le fond même de l'espace galactique par les grands esprits de la certitude qui sont les gardiens de l'île du paradis. Autrement dit, l'homme en arrivera finalement à pouvoir scientifiser l'invisible, l'homme en arrivera à pouvoir scientifiser l'organisation des gouvernements qui constitue toute la grande opération galactique universelle des mondes qui sont derrière tout l'appointement psychologique de la vertu de nos pensées qu'aujourd'hui, sur notre plan matériel, on prend au sérieux parce qu'on est des êtres qui pensent, puis on est des êtres rationnels, puis on a des êtres qui, finalement, après des siècles, sont arrivés à développer, à commencer à lever le voile sur une petite science matérielle qui est de l'enfantillage, comparé avec ce que d'autres intelligences dans d'autres coins du cosmos sont capables de faire quand ils passent d'un espace-temps à un autre site puis qu'ils se matérialisent devant l'homme. Fait que on a bien des choses à apprendre, puis on a bien des choses à apprendre. Fait que en attendant, on doit s'occuper de notre steak, travailler puis mettre du gaz dans notre char. Merci, Bernard. Ha, ha, ha.